J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste... J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste laissé le temps courir. Écoute chérie.